Page 15. Dans quelle ville italienne peux-tu voir des gondoles? Avoir froid, etc. Vocabulaire. Avoir froid. Avoir chaud. Avoir faim. Avoir soif. Avoir peur. Avoir en. Avoir de la chance.